Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Les infos sur Cristal, Simon Tatrault, bonjour à tous. Un ciel bien nuageux ce matin, le soleil ne sera pas de la partie et des températures froides comprises entre moins 1 et 0 degrés. Après la mobilisation du 17 novembre qui a réuni 20 000 personnes sur toute la région dont 5 000 dans l'Eure, les Gilets jaunes étaient de nouveau sur le terrain hier. Évreux a été concerné par un point de blocage, la préfecture de l'Eure a appelé à la prudence. Donc à ravir les navetteurs, ayant autorité sur les transports ferroviaires, du moins les TER pour le moment, puis les intercités à partir du 1er janvier 2020 et les transports routiers et scolaires, la région Normandie échafaude actuellement son plan transport. Objectif, renforcer l'offre des transports en commun, quel que soit le lieu. Le premier chantier ouvert est celui du ferroviaire, avec l'arrivée d'ici 14 mois des 40 trains en construction chez Bombardier, capables d'embarquer près de 1000 passagers. À partir de 2020, explique Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la région en charge des transports, nous aurons une offre de 20% de trains en plus. Exemple, sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris, entre Le Havre et Paris, le nombre d'allers-retours quotidiens du lundi au vendredi passera de 13 à 17. Entre Rouen et Paris, les navetteurs auront à leur disposition 37 allers-retours quotidiens et non plus 27. Si l'offre augmente sur cet axe majeur, mais aussi sur les lignes Paris-Évreux-Caen et Paris-Deauville, elle stagnera sur Rouen-Dieppe et Le Havre-Fécamp. Il n'y aura pas de changement sur ces lignes-là, promet Jean-Baptiste Gastine. Comment mieux orienter des lycéens vers les filières universitaires normandes? Comment aider davantage les étudiants, surtout ceux des premières années, quand ils se perdent dans des villes nouvelles, pour eux, des bâtiments labyrinthiques, et qu'ils doivent faire leur premier pas hors du cocon familial? La semaine dernière, lors de la 3e édition des rencontres universitaires numériques normandes sur le campus de Mont-Saint-Aignan, une nouvelle application mobile a été dévoilée. NUP, ou Normandie Université en poche, c'est un portail dédié sur smartphone. Il sera disponible sur Android et iOS d'ici 3 semaines environ, et qui permet à chacun des 80 000 étudiants de se géolocaliser dans les quelques 20 sites universitaires normands, mais aussi de situer les restaurants universitaires, d'avoir des agendas d'événements universitaires, culturels, des horaires de transport ou de bibliothèque, des adresses pour la médecine préventive, etc. Développée par Orange Business Service, l'application va évoluer au gré des besoins et des souhaits de ses utilisateurs. C'est une première en France, explique Marc Maouche d'Orange. Le but est de simplifier l'accès à l'information, précise François Leguet, responsable du pôle projet numérique de Normandie Université. Si cette appli est gratuite, ouverte à tous, les étudiants pourront, via leur code d'identification, accéder aussi à leurs espaces de messagerie et des espaces pédagogiques, les filières, à leur adresser des messages et notifications. Les lycéens pourront, en cours d'orientation, y consulter des cours, voir des vidéos pour jauger si leur choix de filière leur convient. Cette application découle d'un schéma directeur de la vie étudiante qui, partant du numérique notamment, aidé par la région, veut dynamiser l'enseignement supérieur et la recherche en Normandie. Le potager de Beauménil, commune déléguée de Ménil-en-Ouche, bourdonne d'activités. L'association 1001 Légumes, en charge de son fonctionnement, a ainsi établi en 2008 un partenariat avec le syndicat d'apiculture de l'Eure, présidé par Paul Carpentier, qui réunit environ 400 adhérents pour 5000 ruches. Le SAE dispose ainsi d'un local et surtout d'un terrain au milieu duquel 15 ruches sont installées. Ces équipements permettent de former 20 stagiaires par an, moyennant 14 séances, mais en théorie et pratique. Il n'existe dans l'Eure qu'un seul autre rucher-école du SAE, celui de Guichainville. C'est une victoire, notamment pour le collectif Arnières Vigilance, qui était mobilisé depuis plusieurs mois à Arnières-sur-Iton. La préfecture de l'Eure a reçu notification de la société Guintoli du retrait de son dossier de création d'un centre de stockage de déchets inertes. Près de l'actuelle déchetterie et d'un lotissement récent, l'entreprise envisageait d'acheminer près de 900 000 tonnes de remblai au cours des 10 ans de l'exploitation du site de 10 hectares. Pour Joël Friboulet d'Arnières Vigilance, c'est une bonne nouvelle. Si elle est confirmé, on ne va pas pleurer et on va même fêter ça. C'est étonnant quand même, car le dernier arrêté de la préfecture qui prolongeait de 2 mois la période d'étude n'augurait pas du tout cela. Même prudence du côté de Pascal Jauré. J'attends une confirmation officielle, indique le maire d'Arnières-sur-Iton. Je pourrai m'exprimer davantage dans 24 ou 48 heures. Si retrait il y a, je ne peux que m'en satisfaire. Ayant pris conscience de l'ampleur du projet pour leur commune, les élus locaux, d'abord favorables, avaient changé d'avis, tandis que le collectif mobilisé sur le terrain Ils avaient ensuite reçu le soutien des conseillers départementaux de la majorité, Stéphanie Auger et Ludovic Bourrelier, ainsi que de leurs collègues de l'agglomération Évreux-Porte de Normandie. Your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people. people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. C'est l'heure de votre rappel des titres sur Cristal, Simon Tatraud, bonjour à tous. La mobilisation des Gilets jaunes s'est poursuivie hier. Il y a notamment eu un point de blocage à Évreux. La préfecture de l'Eure a appelé à la prudence. La région Normandie échafaude son plan transport. Objectif, renforcer l'offre des transports en commun, quel que soit le lieu. Le premier chantier ouvert est celui du ferroviaire, avec l'arrivée d'ici 14 mois de 40 trains en construction chez Bombardier, capables d'embarquer près de 1000 passagers. À l'horizon 2020, une offre de 20% de trains en plus.

In my mind, in my head, this is where.

Cristal, la première hit radio en Normandie.

édition spéciale Gilets jaunes ce matin sur Cristal. La manifestation continue encore aujourd'hui sur les routes normandes, notamment sur le périph de Caen qu'il faut absolument éviter ce matin puisque des blocages sont déjà en cours et devraient se poursuivre une bonne partie de la journée. Notre journaliste Elodie Alcouf-Kenel est déjà sur place et vous donnera toutes les infos utiles concernant la circulation. Elodie, on l'écoutera dans les prochaines infos à 6h sur Cristal. Et si jamais vous êtes déjà en galère sur les routes justement, que vous avez remarqué des blocages ou que vous participez aussi à ces blocages, n'hésitez pas à nous appeler au 02 32 23 53 96. Vous faites l'inforoute avec nous ce matin pour cette spéciale Gilets jaunes. Voilà, bientôt 6h, bon réveil et bon courage pour ce lundi. Amir et les infos pour la suite sur Cristal, mais d'abord c'est l'horoscope avec Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous, bon début de semaine. Nous sommes le lundi 19 novembre. L'horoscope des béliers, les célibataires, vous laissez la diplomatie au vestiaire et faites preuve d'audace. Taureau, l'ambiance est plutôt à la nostalgie et au regret. Vous êtes à fleur de peau. De retour au travail, les Gémeaux, vous devriez obtenir les aides dont vous avez besoin et vos capacités vous aideront à négocier. Cancer, vous vous déciderez à adopter une hygiène de vie plus stricte, moins de gourmandise, du moins en attendant Noël. Lion têtu, vous vous accrocherez coûte que coûte à vos décisions. Vierge, votre partenaire se réjouira de votre comportement qui se fera plus léger, plus libre. Balance, vous avez un coup de mou aujourd'hui. Vous êtes dans une phase où vous regrettez l'ancien temps. Scorpion, vous séduisez facilement des personnes qui travaillent à vos côtés. Les Sagittaires, avec les pas que vous avez récemment fait en avant, vous ne laisserez rien ni personne vous faire marcher en sens inverse. Capricorne, votre sensualité sera quelque peu débridée. Vous chercherez à nouer une idylle chaleureuse. Verseau, vous êtes plus confiant et reprenez le contrôle des situations. Les Poissons, profitez de l'amour que vous porte votre conjoint au lieu d'être agacé par l'attention qu'il vous porte. À force, vous pourriez bien le lasser. Excellente journée à tous. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence.